marché, longtemps tu as cherché, longtemps tu as frappé. Longtemps tu as fouillé, demandé, hey, fatigué, pour finir tu t'es arrêté. Laisse-moi te dire, laisse-moi te parler de la part de Dieu. Laisse-moi t'expliquer la puissance de Dieu révélée en Jésus-Christ. N'a-t-il pas dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est sur lui? Jésus, le Fils de Yahweh Dieu, pour t'annoncer une très très très bonne nouvelle. Jésus est venu pour te libérer, pour t'enlever la culpabilité. Il faut que tu saches que tu as été créé pour être un champion. Le temps est arrivé pour que l'on sache que tu es un vaillant héros. Tu as signé le décret pour que tu sois à la tête parce que tu es de la race des élus. Jésus a parlé, parlé en ta faveur et personne ne peut s'y opposer. Il a entendu tes cris, mon frère. Il a entendu tes pleurs, maman. Il a vu ta solitude, ma sœur. Il a vu le poids de ta souffrance, papa. C'est pourquoi Jésus s'est levé. Le chemin, la vérité et la vie. Son amour est infini. Laisse-moi te dire qu'à ses yeux tu as du prix. Le spécialiste des cas impossibles. Son nom une puissance pour celui qui périt. Il s'appelle Jésus-Christ. Pour toi il s'est levé. Il s'appelle Emmanuel. Est avec nous. Pour toi il s'est levé. Hey, hey, hey. Jésus s'est levé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Il s'est levé. Mano, check ça. Jésus s'est levé. Yeah, yeah, yeah. Sois et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Écoute ça. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu se lève sur toi. Il est vraiment puissant, puissant, puissant et puissant, puissant. Il est vraiment puissant, puissant. Ha! Jésus s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi des rois s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils de Dieu s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Tout-Puissant s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Lion de Juda, le roi des rois qui règne jamais au siècle des siècles, vivant puissant, l'étoile brillante du matin, le Tout-Puissant s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné. Puissant, puissant, eh, eh, eh, puissant, puissant, puissant, puissant, puissant, eh, eh, eh, puissant, tout. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, Jésus-Christ s'est levé, il s'est levé, en haut, il s'est levé, eh, eh, eh, il s'est levé, pour sa bénédiction, il s'est levé, il s'est levé. Son enfantement, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour son mariage, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour son mon élévation, Jésus s'est levé, yeah, yeah, yeah, yeah.